silence attend sa proie sous les dunes, le sable écoute. Raiderskill trace les lignes, l'ombre d'un cri dans la poussière. Chaque souffle d'épice, il parle, il frappe, il veille, Raiderskill. Les dunes s'inclinent et les dieux se taisent.